Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale et nous sommes le jeudi 23 mai et débute aujourd'hui le festival des Imaginales pour tous les fans de littérature imaginaire. Et bien rendez-vous à Épinal à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour donc les Imaginales version 2019. Aujourd'hui nous souhaitons une bonne fête aux Didier, ça vient du latin signifiant désiré, attendu. Les Didier sont secrets, timides, inquiets, réservés au point de pouvoir paraître distants et hautains. Ce n'est pas qu'ils le soient en réalité, mais ils adoptent une attitude prudente et méfiante lorsqu'ils abordent une situation inconnue. Aussi donnent-ils l'impression de posséder une grande maîtrise de leurs émotions, parfois même un certain flegme. Ils sont en fait nerveux, mais intériorisent beaucoup. Ils ont horreur des manifestations débordantes, des artifices et de la superficialité. Ils ont tendance à être sur la défensive et leur manque de spontanéité est compensé par des qualités de sérieux, d'honnêteté et de stabilité sur un fond de conservatisme, de routine et de rigidité. Dicton du jour, et il y en a plusieurs aujourd'hui. On commence avec celui-ci. À la Saint-Didier, soleil orgueilleux nous annonce un été joyeux. Saint-Didier ramasse tout dans son devantier. Sème tes haricots à la Saint-Didier, pour un, tu en auras un millier. Plante un pois à la Saint-Didier, tu récolteras un setier. Haricots semés à la Saint-Didier en rapporte un demi-setier. Ou encore, qui sème les haricots à la Saint-Didier les récolte par poignée. Pas de célébration internationale aujourd'hui, ni d'événements marquants qui se sont déroulés un 23 mai. On va donc tout de suite marquer une première pause musicale avec François Fellman et le titre joue pas. Tu peux me faire danser. Je pars comme ça. Tu sais. François Feldman avec le titre « Joue pas » sur RGM, un peu plus de 8h36. On est bien sûr toujours dans la matinale et on va faire un point sur tous ceux qui sont nés un 23 mai 1933. Naissance de Jane Collins, actrice britannique, vue dans la série Dynasty dans le rôle d'Alexis Morel Carrington, The Royals dans le rôle de la grande duchesse Alexandra d'Oxford ou encore Une nounou d'enfer. 1948, naissance de Myriam Boyer, actrice française, connue pour son rôle de la mère de Jacques Mesrine dans L'instinct de mort et L'ennemi public numéro 1, vu également dans Monsieur Papa de Canmerade, à la télé dans Julie Lescaut, L'Institut ou encore Capitaine Marlowe. 1958, naissance de Serge Dupire, acteur canadien connu pour son rôle d'Hervé Gonsard dans la série télé Femmes de loi, son rôle de Vincent Chaumette depuis 2004 dans Plus belle la vie. C'est également l'année de naissance de François Feldman, chanteur français. 1967, naissance de Phil Selway, musicien britannique du groupe Radiohead, dont on écoute tout de suite un extrait du titre No Surprises. Voilà pour l'extrait de Radiohead. Allez, on continue. 1970, naissance de Matt Flynn, musicien américain du groupe Maroon 5. 1971, naissance de Laurel Holloman, actrice américaine, connue pour son rôle de Tina Kennard dans la série télé The L Word. 1972, naissance de Rubens Barrichello, ancien pilote de Formule 1 brésilien, ayant fait carrière de 1993 à 2011, recordman du nombre de départs avec 323 Grands Prix. En championnat du monde, il a remporté 11 victoires, réalisé 14 pole positions, 17 meilleurs tours en course et monté 68 fois sur le podium, a été vice-champion du monde en 2002 et 2004. C'est également l'année de naissance d'Alexandre Devoise, animateur télé français. 1974, naissance de Jay Welch, chanteuse américaine, dont on écoute tout de suite un extrait du titre « Hands ». If I could tell the world just one thing, it would be we're all okay. And not to worry, 'cause worry is wasteful and useless in times like these. I won't be made useless, won't be idle with despair. I'll gather myself around my faith, light the darkness most fear. Voilà pour l'extrait de la chanteuse Jewel. On va rester en musique puisqu'en 1983, c'était la naissance d'Aidy Range, chanteuse britannique du groupe Sugar Babes, connue pour leur titre Too Lost in You, dont on écoute tout de suite un extrait. You look into my eyes, I go out of my mind. I can't see anything, cause this love's got me blind. I can't help myself, I can't break the spell. I can't even try. I'm in over my head, you got under my skin. I got no strength at all in the state that I'm. And my knees are weak and my mouth can't speak. Fell too far this time. Baby, I'm too lost in you. Come in, you lost in everything about you so deep. I can't sleep, I can't think. I just think about the things that you do. Voilà pour l'extrait des Sugar Babes. Allez, on continue. 1985, naissance de Baptiste Le Caplin, acteur humoriste français vu dans New York ou encore La folle histoire de Max et Léon. 1986, naissance de Ryan Coogler, réalisateur scénariste américain qui l'on doit Creed, l'héritage de Rocky Balboa ou encore Black Panther. En 1934, décédés Bonnie Parker et Clyde Barrow, célèbres criminels américains. 1937, décédé John Davison Rockefeller, industriel américain fondateur de la famille Rockefeller. En 2003, décédé Jean-Yann, acteur, humoriste, réalisateur, producteur français, réalisateur de Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, producteur de Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, en tant qu'acteur vu dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, justement dans le rôle de l'inspecteur Chaudac, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ dans le rôle de Paulus, Papy fait de la résistance dans le rôle de Murat, Le téléphone sonne toujours 2 fois, Madame Bovary de Claude Chabrol dans le rôle de Monsieur Homais, le pharmacien. Le hussard sur le toit, le radeau de la Médise, le pacte des loups dans le rôle du comte de Moringias ou encore Gomez et Tavares dans le rôle de Tonton. En 2013, décédé Georges Moustaki, auteur, compositeur, interprète français qu'on écoutera en fin d'émission. Et en 2017, on apprenait le décès de Roger Moore, acteur britannique connu pour avoir interprété James Bond dans 7 opus entre 1973 et 1985 dans Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or, L'espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, Octopussy ou encore Dangereusement vôtre, est connu pour ses rôles à la télévision également. Par exemple dans la série Ivanhoé, où il a incarné Ivanhoé, Maverick dans le rôle de Beau Maverick ou encore la série Amicalement vôtre dans le rôle de Lord Brett Sinclair. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale. On va retourner au tout début du groupe Maroon 5 avec leur titre She Will Be Loved. I drove for miles. Les Maroon 5 sur le 107FM, il est presque 8h49, on fait un point météo. La météo. Très belle journée ensoleillée qui nous attend aujourd'hui avec quelques petits nuages, des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés prévus pour cet après-midi. Vendredi, soleil avec également quelques petits nuages, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 21 et 22 degrés pour demain après-midi. Samedi, malheureusement, ce sera une journée mitigée, des éclaircies et de la pluie, des températures comprises entre 13 et 14 degrés samedi matin et entre 19 et 21 degrés pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Cyclisme sur le Giro, hier victoire d'Ewan juste devant Arnaud Démare. Un mot de tennis avec tout d'abord le tournoi de Strasbourg où Caroline Garcia a enfin pu terminer son match face à Rogers qu'elle a remporté et ensuite elle a affronté Peterson contre laquelle elle s'est imposée en 2-7. Ferro s'est qualifié en 3-7 face à Wang, 6-7, 6-3, 6-3 et Paquet qualifié en 2-7 face à Anne, 6-3, 6-3. Aujourd'hui Garcia affrontera Kostiuk, Ferro sera opposé à Yastremska et Paquet à Gavrilova. Côté messieurs à Lyon, à noter l'élimination de Humbert en 3-7 face à Chapovalov, 2-6, 7-6, 6-2. Le forfait de Richard Gasquet qui souffre apparemment du dos. Alors à quelques jours du début de Roland-Garros, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Joe Wilfried Tsonga s'est qualifié en 3-7 face à Diaz, 3-6, 7-6, 6-3. Lamazine s'est incliné en 2-7 face à Basilashvili, 7-5, 7-5. Benoît Paire qualifié en 2-7 face à Cuevas, 6-4, 6-3 et Moutet s'est incliné en 3-7 face à Bautista Agut, 4-6, 6-4, 6-3. Aujourd'hui, Tsonga affrontera Basilashvili et Benoît Paire se reposait à Chapovalov. Et dans les qualifications de Roland-Garros, Mifig Mirezin hier côté tricolore. Tout d'abord, côté féminin, l'élimination de la seule française qui jouait hier, Andrija Jaffitrimo, qui s'est inclinée en 3-7 face à Marino. Côté féminin, aujourd'hui, Jacquemot affrontera Lautner. Côté messieurs, c'est plus mitigé, on va dire moitié-moitié sur les qualifiés et les éliminés. Müller s'est qualifié en 3-7 face à Polanski, Blancano qualifié en 3-7 face à Pavlasek, Martino s'est incliné en 3-7 face à Cobb-Jones, Benchetrit s'est qualifié en 2-7 face à Fratangelo, Guinard s'est qualifié en 2-7 face à Quincy, Quaco s'est qualifié en 2-7 face à De Greff, Cornu-Chauvinck s'est malheureusement incliné en 3-7 face à Montero, Gaston s'est incliné en 2-7 face à Vatutin. Denoli s'est incliné en 3-7 face à Darcis. Tatlo s'est incliné en 3-7 face à Imer. Et enfin, Bourg s'est qualifié en 3-7 face à Milojevic. Aujourd'hui, Guinard affrontera Cobb-Jones. C'est le seul Français sur les cours aujourd'hui. Un mot de football avec Rudy Garcia qui a officialisé hier son départ de l'Olympique de Marseille à la fin de cette saison. Et on termine avec du hockey sur glace. Hein, les quarts de finale de championnat du monde, c'est aujourd'hui. Canada, Suisse, Russie, États-Unis, Finlande, Suède et enfin République tchèque face à l'Allemagne. Voilà pour l'actu sportive. Va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Georges Moustaki et le titre Le Métèque. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec